Une fois de plus, dans ce programme consacré aux balades en France, l'histoire nous emmène dans le sillage d'un personnage célèbre au destin exceptionnel. Nous sommes à Domrémy-la-Pucelle, dans les Vosges, sur les traces de Jeanne d'Arc. Dans l'histoire mondiale, il existe peu de personnages semblables. Inspirée par Dieu, Jeanne quitte son petit village de Domrémy pour prendre à 17 ans le commandement d'une armée, faire sacrer le roi de France à Reims et sauver la patrie de l'envahisseur anglais. Depuis 5 siècles, la légende s'est emparée de la bergère Lorraine. Son étrange destinée fascine toujours, comme un mystère qu'on ne parvient pas à percer. Champs-Élysées s'est donc rendu à Domrémy-la-Pucelle pour en savoir davantage sur Jeanne, cette jeune fille issue d'un milieu rural aisé. Nous avons d'abord visité la maison natale de Jeanne d'Arc en compagnie de Claire Bonnard, agent du patrimoine affecté au site de Domrémy. Nous sommes ici donc dans la première pièce de la maison natale de Jeanne d'Arc. Alors au rez-de-chaussée, la maison comporte 4 pièces. Et également un étage. Mais il n'est pas certain que l'étage existait déjà à l'époque de Jeanne d'Arc. Il subsiste un doute quant à l'époque où a été donc édifié cet étage. Alors en fait, d'après la tradition, la maison que l'on visite actuellement est la maison où est née Jeanne d'Arc. On le sait parce que la tradition a été transmise donc de génération en génération, la maison ayant toujours été occupée jusqu'à son rachat par le département des Vosges en 1818. Et on ne sait pas en quelle année, c'est approximatif. Voilà, au moment de son procès en 1431, Jeanne a dit qu'elle était âgée de 19 ans ou environ. Donc en se basant sur l'âge de 19 ans, elle serait née en 1412. Mais Jeanne n'étant pas tout à fait certaine de son âge, la date de 1412 est donnée à titre indicatif. La tradition veut qu'elle soit née le jour de l'Épiphanie, qui, en 1412, tombait le 6 janvier. Alors on trouve parfois la date de 1411, en raison d'un problème de calendrier. À l'époque de Jeanne, l'année commence à Pâques. Donc, comme Jeanne est née au mois de janvier, dans l'ancien calendrier, c'est encore l'année 1411. Mais suivant le calendrier actuel, c'est déjà l'année 1412. C'est pour ça qu'on voit ces deux dates, 1411 et 1412. Alors on rentre de plein pied dans une salle où bien sûr la cheminée a une importance considérable parce qu'on est quand même dans un département froid du quart nord-est de la France, les Vosges. Oui, en effectivement, est-ce que cette première pièce où est née Jeanne d'Arc servait également de cuisine et de chambre pour ses parents, d'où la présence d'une cheminée. Alors, celle que l'on voit aujourd'hui remonte au XVIIe siècle, mais il en existait déjà une à l'époque de Jeanne d'Arc, ne serait-ce que parce que cette pièce servait donc de cuisine, mais aussi de pièce commune. La cuisine est également la salle à manger et la salle où on accueillait les visiteurs lorsqu'ils passaient rendre visite à la famille de Jeanne. La légende dit que c'est en gardant ses moutons que Jeanne entendit des voix. Jeanne était une jeune fille pieuse, différente de ses amis. Lorsqu'elle entendait les cloches sonner l'Angélus, elle arrêtait ses activités pour prier. Écoutons Claire Bonnard nous parler de ces fameuses voix. Alors la première fois qu'elle a entendu ces voix, à l'âge de 13 ans, elle se trouvait dans le jardin de son père, donc à l'emplacement de l'actuel parc de la maison natale. La première fois, c'était en été, aux environs de midi. Elle a entendu une voix du côté droit, du côté de l'église, et cette voix était accompagnée de lumière. Elle a tout d'abord entendu la voix de Saint-Michel, puis celle de Sainte-Catherine et Sainte-Marguerite, trois saints qui étaient très vénérés dans la région. Cessément trop modeste pour entendre directement la voix de Dieu, elle s'est dit que c'était les voix de saints, et donc tout de suite lui est venue l'idée que c'était les trois saints qu'elle connaissait. À l'époque de Jeanne d'Arc, le village de Domrémy est situé aux confins de plusieurs régions bien différentes. Domrémy se trouve dans un territoire lorrain, mais francophone. La Meuse départage le duché de Bar lui-même, qui dépend du duché de Lorraine, et le Barrois mouvant. La situation du Barrois mouvant est assez complexe, puisqu'elle relève à la fois du royaume de France et du duché de Bar. Domrémy se trouve donc dans le Barrois mouvant. Près de la maison passe un petit ruisseau, le ruisseau des Trois Fontaines. À l'époque de Jeanne, il passait de l'autre côté de l'église et marquait la frontière entre le Barrois mouvant et la Champagne, qui, elle, était française. Donc, Domrémy se trouve dans une zone tampon, que l'on appelle les Marches de Lorraine, en contact direct avec la France, mais aussi avec les terres d'Empire. En plus, c'est une zone de passage. Il y a beaucoup de passages de gens venant du nord de la France et passant par Neuchâtel pour se rendre vers le sud de la France ou vers l'Allemagne. Il y avait donc beaucoup de passages. Et de ce fait, Jeanne était au courant de ce qui se passait dans le royaume de France, notamment des dégâts et des désastres provoqués par la guerre de Cent Ans. Mais alors, à qui le village de Jeanne d'Arc était-il favorable ? La tradition rapporte que Dormy était plutôt favorable au roi Charles VII. Par contre, le village voisin de Maxey, lui, tenait plutôt pour le duc de Bourgogne. Il en raconte que, régulièrement, les enfants de Dormy et les enfants de Maxey se battaient en prenant prétexte de ces différentes opinions politiques. Gladys Pierson-Bragard est aux côtés du président du Conseil général des Vosges, Christian Poncelet, par ailleurs président du Sénat. Elle nous dit combien la création d'un centre johannique aux côtés de la maison natale de Jeanne d'Arc était d'une importance capitale pour le village de Domrémy. C'était une volonté du département que de compléter sur le site la découverte de Jeanne et de son histoire, puisque jusqu'à présent, la visite de la maison natale était extrêmement rapide et sommaire, je dirais, et qu'on n'avait surtout pas de lieu pour accueillir ni le public ni les jeunes dans de bonnes conditions. Or, c'était une volonté de développer également le tourisme culturel, puisque c'est un élément très fort du développement économique de cette région, et que nous avons également en charge le site gallo-romain de Grand, qui est à quelques kilomètres d'ici, et que nous avons toute une région qui est extrêmement riche sur le plan à la fois du témoignage du passé, mais matériel aussi bien qu'immatériel. Puisque là, pour Jeanne d'Arc et son histoire, nous n'avons pas ici à Domrémy d'objets concrets, et donc il fallait imaginer autre chose. Et pour créer ce centre johannique à Domrémy-la-Pucelle, le Conseil général des Vosges a fait appel à Anne-Marie Simon, qui travaille pour le Conseil de l'Europe et s'occupe des itinéraires culturels, des courants de pensée et des grandes idées de civilisation européenne. Ma première question était de lui demander si, avant de venir à Domrémy, elle était passionnée par le personnage de Jeanne d'Arc. Je suis devenue passionnée par le personnage, parce qu'au départ, le personnage, c'est un personnage très, très difficile, qui a subi de multiples interprétations, dont certaines compliquées quand même. Surtout sur lequel faire quelque chose autour d'elle voulait dire travailler sur une absence d'objet. Puisque les sources authentiques, ce sont des manuscrits ou des écrits, et ils sont dans des lieux de conservation, ils ne sont pas accessibles au grand public, et ils sont aussi difficiles. Et donc il fallait trouver le moyen de raconter cette histoire, pas dans un cadre muséal, pas dans le cadre d'objets authentiques qu'on montre. Donc autrement, voilà. Et c'est en fait aussi beaucoup ça qui m'a intéressée, c'est-à-dire ce que je crois tout à fait important en Europe aujourd'hui, c'est que l'Europe fourmille de sujets à raconter. Comment est-ce qu'on les raconte au public ? C'est une question. Alors comment Anne-Marie Simon s'y est prise pour monter cette exposition ? D'abord en essayant de resituer la figure historique, cette grande époque, qui est quand même encore aujourd'hui peu connue du grand public, qui commence à l'intéresser beaucoup. À la fin du siècle, beaucoup de gens sont intéressés par le Moyen-Âge. Et resituer cette figure historique dans son contexte à elle, c'est-à-dire le contexte de l'imaginaire de cette époque. C'est un monde plein d'anges et de démons. C'est un monde dans lequel le temps n'est pas le même que le nôtre. C'est un monde dans lequel les rapports des gens ne sont pas du tout les mêmes. Donc on ne peut pas non plus parler de Jeanne en remettant les choses dans le contexte de notre époque, parce que c'est très différent. Mais en même temps, il y a des choses qui sont similaires. Alors ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'était essayer d'explorer tous ces multiples visages que la postérité lui a prêtés. Parce que ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui encore, en France, quelqu'un comme Rivette, cinéaste, donne une certaine facture, et quelqu'un comme Besson tourne des films sur Jeanne d'Arc. Ce qui prouve bien que le mythe continue à fonctionner. Il fonctionne toujours. Pourquoi ? Ça, c'est une question intéressante. Donc, c'est ce que nous avons aussi essayé de comprendre, d'approcher et de livrer au public. Ainsi donc, à l'ombre de la maison natale de Jeanne d'Arc, on peut découvrir une merveilleuse exposition installée dans le centre johannique, où les enfants aussi peuvent découvrir dans un langage clair et pendant 20 minutes les grands moments de la vie de Jeanne. Écoutons quelques instants un extrait de ce montage audio et vidéo de ce que l'on appelle le Livre d'or. Nous sommes à l'époque du procès de Rouen. Les épreuves de Jeanne commencent. 5 mois d'une prison très dure, entourée de soldats hostiles, enchaînée la nuit. 5 longs mois d'interrogatoire. Les juges s'acharnent. Ils trouvent sa religion suspecte. cette foi personnelle, cette relation directe avec les envoyés de Dieu, tout cela pour l'Église est dangereux. Jeanne tient bon. Elle répond avec bon sens, humilité, humour. Oui, elle est bonne chrétienne. Oui, ses voix sont véridiques. Oui, elle tient bien sa mission de Dieu. Une grande exposition présentant d'une manière exceptionnelle des cabinets enluminés permet de bien situer le personnage de Jeanne d'Arc dans son temps. Le mythe chevaleresque, la foi et les croyances, la représentation de la mort, le royaume et le roi, l'enjeu dynastique. Écoutons un instant un extrait du montage sonore proposé lors de la découverte de la Chambre des Rois, l'un des moments forts de l'exposition. Moi, Charles VII, je suis... vrai héritier de France, je tiendrai le royaume. Dans le secret de mon conseil, je sais bien que Dieu m'a donné du temps pour faire les choses. Du temps et des signes certains. Jeanne d'Arc est un symbole national fort, tantôt récupéré par les partis politiques, de droite comme de gauche, tantôt récupéré par l'Église. N'oublions pas que Jeanne d'Arc a été canonisée. Écoutons Anne-Marie Simon, concepteur de l'exposition permanente, qui nous donne son point de vue sur l'image que véhicule le personnage de Jeanne d'Arc. C'est une merveilleuse figure de jeune fille qui est le symbole même d'une énergie, de quelqu'un qui ne plie pas, de quelqu'un qui reste fidèle à elle-même et qui tient tête à une assemblée de gens doctes et beaucoup plus avant qu'elle, avec une fraîcheur, une spontanéité, une solidité de raisonnement, un sérieux aussi, et qui est assez étonnante quand même, et qui pour moi... et ça c'est mon opinion personnelle, et le symbole de beaucoup de figures héroïques de résistance qu'il y a dans l'histoire européenne, et qui sont des gens qui n'ont pas accepté de se plier au pire. Il n'est donc pas étonnant que Jeanne d'Arc continue d'inspirer les historiens, les poètes, les dramaturges et les cinéastes. La Jeanne d'Arc de Luc Besson vient s'ajouter à une liste déjà bien fournie. En 1913, Maria Jacobini est la première à incarner Jeanne à l'écran. Mais de cette période du cinéma muet, c'est la passion de Jeanne d'Arc du Danois Karl Dreyer que l'on a retenu. Ingrid Bergman est la seule actrice à avoir prêté ses traits à la Pucelle d'Orléans à deux reprises. En 1947, dans une production hollywoodienne de Victor Fleming, puis en 1954, dans Jeanne au bûcher, dirigée par son mari Roberto Rossellini. Plus près de nous, on se rappelle les réalisations de Robert Bresson, d'Otto Preminger avec Jane Seberg et le film Fleuve de Jacques Rivette avec Sandrine Bonnaire en 1993. Ce film durait 5h36. Jeanne d'Arc est aussi un bon sujet littéraire. Michelet lui a consacré un chapitre dans son Histoire de France en 1853. Charles Péguy, un drame en prose et en vers, et Georges Bernard Shaw, une pièce Sainte-Jeanne en 1923. Trois nouveaux livres sont parus en même temps que le film de Besson. Alain-Gilles Minella publie chez Talendier un ouvrage plutôt romantique sur les pas de Jeanne d'Arc qui, comme son titre l'indique, revisite les lieux qui restent associés aux différents épisodes de la vie de la Sainte, dont Rémy, Chinon, Orléans, Reims, Compiègne et bien d'autres. La Jeanne d'Arc de Roger Caratini aux éditions de l'Archipel est une biographie iconoclaste qui se fonde sur la relecture des manuscrits pour affirmer que Jeanne n'était pas bergère, qu'elle n'a pas été condamnée par des Anglais et que sa légende n'a été fabriquée que bien plus tard. Enfin, dans Jeanne d'Arc et son temps, chez Mango Éditions, Jean-Jacques Greff et Michel Couder tentent de répondre aux questions qui restent posées. Comment le futur roi Charles VII a-t-il pu faire confiance à une inconnue de 17 ans? Comment est-elle parvenue à mobiliser les Français et à effrayer les Anglais? Rappelant qu'à cette époque, le mot « pucelle » signifiait tout simplement « jeune fille ». Les auteurs soulignent, non sans humour, que de nos jours, une enfant de 13 ans qui prétendrait entendre des voix serait rapidement confiée à un médecin spécialiste.